l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. L'Afrique a joué un rôle capital dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dans l'histoire biblique, nous avons vu la fois dernière que plusieurs personnages se sont réfugiés en Afrique et plus particulièrement en Égypte. Nous avons parlé de Jéroboam qui devint le roi du royaume du Nord, à savoir Israël. Nous avons vu aussi le jeune Hadad qui par la suite devint le roi de Syrie, se réfugier en Égypte. Nous avons parlé également d'un certain Uri et des enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Égypte comme terre de refuge pour notre Seigneur Jésus. Le récit biblique qui nous parle de la fuite de Jésus et de ses parents en Égypte se trouve dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 20. Lisons ces passages. « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Lorsque Jésus était né, la Palestine était sous la domination de l'Empire romain. Un ange dit à Joseph de prendre sa femme et son enfant pour fuir en Égypte. Dans l'Ancien Testament, les livres de l'Exode racontent comment l'Égypte fut un pays d'esclavage et d'oppression pour les Juifs. C'est dans cet endroit que Jésus trouva refuge. Tout comme Moïse avait délivré les Juifs de l'asservissement en Égypte 1400 ans auparavant, Jésus libérera son peuple de l'esclavage du péché. Si Moïse avait conduit les siens vers la terre promise d'Israël, Jésus, lui, conduira son peuple vers le royaume céleste. Le contexte de la fuite des parents de Jésus en Égypte est celui du règne sanguinaire du roi Hérode. Ces derniers étaient informés par les scribes que le Messie devrait naître à Bethléem. Il appela les mages et leur demanda d'y aller afin d'avoir des informations exactes sur le petit enfant Jésus qui venait de naître. En réalité, Jésus n'était pas un simple enfant. Il était le roi des rois, l'héritier du trône de David selon les paroles du prophète. Il était le Messie que les Juifs attendaient. Hérode sentait son pouvoir menacé par un tel personnage. Il fallait absolument chercher à l'éliminer et ne pas lui laisser l'occasion de devenir une personne adulte. Toutefois, il ne manifesta pas ses intentions ouvertement. Il les dissimula et fit semblant de devenir un adorateur de Jésus. C'est la raison qu'il avança pour demander aux mages d'aller à Bethléem pour lui fournir des renseignements sur le lieu où se trouvaient Jésus et ses parents. Hérode voulait utiliser les mages comme des agents de servir des renseignements dont il avait besoin pour exécuter sa besogne. Il convient de dire un mot sur le roi Hérode. De quel Hérode s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de Hérode le Grand, roi des Juifs, dont le règne s'est étendu, selon les historiens, de 40 à l'an 4 avant Jésus-Christ. Il est né en 73 et était le fils d'Antipater qui avait été nommé procurateur de Judée par Jules César en 47. Quand les Parthes envahirent la Syrie et la Palestine et mirent Antigone sur le trône de Judée en 40, le Sénat romain désigna Hérode, alors préfet militaire de Coélé-Syrie, comme roi et il lui a fallu 3 années de lutte pour conquérir son trône. Peu à peu, il se débarrassa de la famille rivale des grands prêtres asmonéens. Ce célèbre projet des bâtisseurs comprenait la reconstruction de Samarie, du port de Césarée et du temple de Jérusalem. Malgré cela, il ne réussit pas à se faire aimer des Juifs. Il édifia aussi des temples païens. Et l'élimination des asmonéens ne lui fut jamais pardonnée. Hérode était un homme cruel. Il exécuta 3 de ses fils et sa nature soupçonneuse est bien mise en évidence dans l'histoire de la visite des mages à Jésus et du massacre des enfants mâles qui suivit. Devant un tel homme aux ambitions cruelles, Dieu parla à Joseph, père de Jésus, en songe de fuir en Égypte. Le continent africain a été choisi par Dieu comme une terre de refuge pour les fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Remarquez un grand contraste qui existe entre l'Égypte du temps de Moïse et l'Égypte du temps de Jésus. Au temps de Moïse, l'Égypte était le lieu d'oppression et d'esclavage des enfants d'Israël. Dieu envoya Moïse pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte et le conduire vers la terre promise. Au temps de Jésus, l'Égypte devient le pays de refuge où Jésus et ses parents devraient fuir pour échapper au courroux du roi Hérode. Si Dieu a choisi le continent africain pour que Jésus y trouve un refuge, c'est que Dieu a choisi l'Afrique pour jouer un rôle important dans l'accomplissement de son plan. Jésus connaît l'Afrique. Il ne peut jamais oublier ce continent qu'il a accueilli pendant qu'un roi sanguinaire voulait le tuer. La Bible nous dit qu'il est resté avec ses parents jusqu'à la mort d'Hérode. Jésus est le premier réfugié politique que le Nouveau Testament nous est présenté. Et pourtant, il n'était pas un homme politique. Sa mission n'était pas de créer un parti politique, ni de prendre les armes pour renverser les pouvoirs romains. Il était un homme de paix. Il est venu gagner l'humanité, non pas avec les armes de guerre, mais avec un amour inconditionnel. Ce passage montre que cet épisode n'est que l'accomplissement des paroles des prophètes. Il y a 2 paroles qui se sont accomplies. La première concerne la fuite de Jésus en Égypte. Cette fuite est considéré par Matthieu comme l'accomplissement de Osée qui dit « J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte ». Au verset 15, Matthieu cite la prophétie de Osée 11, verset 1. Ce passage dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte ». Dans ce passage, le mot « fils » fait référence aux Juifs, à la nation d'Israël. Exode 4:22 mentionne Israël comme le fils premier-né de Dieu. Matthieu considère que Jésus est le symbole de la nation d'Israël. Il applique donc le passage d'Osée à Jésus lui-même. Exode 4:22 dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils » ton premier-né. La deuxième parole concerne le massacre des enfants de Bethléem. Hérode, voyant qu'il a été trompé par les mages, décida d'exterminer tous les enfants mâles. L'évangéliste Matthieu cite une parole du prophète Jérémie. Cette parole fut un récit en référence à la désolation d'Israël par Nebuchadnezzar. Les survivants des Israélites furent emmenés par leurs conquérants comme captifs à Rama. Là, on entendit les mères se lamenter de la perte de leur descendance. Le prophète décrit Rachel, la mère de 2 grandes tribus, venant pleurer et refusant d'être consolée. La parole est encore plus appropriée aux mères de Bethléem, privées de leurs enfants. Lisons Jérémie 31, verset 15. Ce passage dit « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Cet épisode de la fuite de Jésus en Égypte nous permet de tirer quatre vérités essentielles. Première vérité, Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît les intentions cachées des hommes, quelles que soient les ruses. Il connaissait les intentions du roi Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus, même si Hérode ne l'a pas manifesté ouvertement. Mais Dieu qui sonde le cœur et les reins a révélé ses intentions à Joseph. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. La Bible dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreux 4, verset 13. Deuxième vérité, lorsque nous connaissons des moments d'adversité et d'épreuve dans notre vie, nous devons chercher la direction divine. Au temps de Moïse, lorsque les enfants d'Israël avaient peur de Pharaon, Dieu leur recommanda de rester en place et de regarder la délivrance qu'il allait leur accorder. Face à la cruauté d'Hérode, Dieu recommanda aux parents de Jésus de fuir en Égypte. Ses parents obéirent à la voix de Dieu et partirent effectivement en Égypte. Ils ne sont rentrés qu'après l'ordre divin. Troisième vérité, Jésus connaît l'Afrique. Il connaît les réalités des Africains, car il y a vécu pendant son exil. Il connaît nos difficultés, nos épreuves, nos défis de tous les jours. Jésus est devenu homme pour connaître nos réalités en tant qu'homme. Il est en mesure de venir en aide à tous les étrangers, car lui-même a été étranger en Égypte. Il est capable de soutenir les réfugiés, car lui-même a été réfugié. Il connaît nos souffrances, les difficultés de toutes les femmes qui accouchent dans les conditions difficiles, car lui-même, bien qu'étant le roi de gloire, a choisi de naître dans une crèche, au milieu des troupeaux, dans une étable, dans un endroit inconfortable, réservé aux bêtes, un endroit aux odeurs nauséabondes. Il connaît les souffrances de ceux qui habitent de quartiers précaires. Jésus peut secourir le peuple africain dans ses difficultés et son vécu quotidien. Quatrième et dernière vérité, pendant que le pays d'Israël a rejeté le Sauveur, l'Afrique l'a accueilli sous son sol. Préservons notre hospitalité légendaire en tant qu'Africains. Ne rejetons pas Jésus pour nous tourner vers les fétiches, pour nous tourner vers les génies, vers les mânes des ancêtres, vers les masques. Réservons à Jésus un accueil chaleureux dans tout ce que nous faisons. C'est lui la solution. C'est lui la solution à tous les problèmes qui minent notre continent, à savoir la guerre, les grandes pandémies, les conflits ethniques, la famine, etc. Aujourd'hui, Jésus continue à frapper à nos portes. Il est dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Que devons-nous retenir de notre enseignement d'aujourd'hui? Nous venons de voir que l'Afrique était une terre des refuges au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Hérode, sentant que son pouvoir était menacé, chercha à tuer le petit enfant Jésus. Mais Dieu révéla ses intentions à Joseph et demanda à ce dernier de fuir en Égypte. Jésus y est resté avec ses parents jusqu'à la mort du roi Hérode. Pendant qu'Israël a rejeté Jésus, l'Afrique l'a accueilli comme réfugié. C'est fini pour aujourd'hui. La suite, c'est pour la fois prochaine. Au revoir. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.